Louis de Bavière. Le rocher pleurant à Fontainebleau. Ainsi tu veux briser mon âme et trahir ta foi. La rose va jeter sa flamme à d'autres qu'à moi. Tu changes un amour fidèle pour de vains plaisirs. Va, tes galants joueront de l'aile comme les zéphyrs. Elle fait fi de sa constance, il s'en va bientôt. De l'égayer rien n'a puissance, il ne dit plus mot. Dans les rochers il se fourvoie pour calmer son cœur. Il fait ses adieux à la joie, son mal est vainqueur. Loin de l'humaine fourmilière, et soir et matin, son œil contemple la lumière, mais non sans chagrin. Ainsi se mouille des années son regard aimant. Même pour remplir ses journées d'un plus vif tourment, toujours il songe aux courtes heures de céleste amour, que Sophie, aux saisons meilleures, payait de retour. Mais enfin, un dieu pitoyable lève le fardeau qui pèse sur le misérable plus que le tombeau. Il le métamorphose en pierre. Le cours de ses pleurs, pourtant, suit toujours sa carrière au milieu des fleurs. Mille et mille longues années pourront s'écouler, toujours, des roches inclinées, les pleurs vont couler. En référence à Sophie, j'ai vu ma seule amie, à jamais la plus chère, devenue elle-même un sépulcre blanchi, une tombe vivante où flottait la poussière de notre mort chérie. Alfred de Musset, souvenir. Le moine d'Oberzell. Vers ma cellule, le flot recule, sans calmer ma douleur. La vague passe, mais ne fait place aux traits doux à mon cœur. Flot, prends mes larmes, de mes alarmes se saisit le trépas. Chère est la peine où nous enchaîne un amoureux appât. De mon étoile, le sombre voile la dérobe à mes yeux. Toujours ravie, ah, de ma vie, je ne verrai ses feux. Vague légère, avec mystère, vite emporter mes jours, puisse mon âge après l'orage reposer à toujours. La vague passe, je reste en place, mort plutôt que vivant. L'air diaphane laisse aux profanes voir le soleil levant. La sonnerie de l'agonie exauce mon désir, c'est l'existence qui recommence à mon dernier soupir. La nonne de Himmelspforten. Endroit près d'Oberzell, qui est lui-même près de Würzburg. Dans ma cellule, ah, que je brûle du feu qui me parcourt. Lugubramente, je me lamente lorsque fleurit l'amour. Vous, goutte à goutte, vous faites route aux vagues vers la mer. Ainsi traînée, chaque journée me laisse un fruit amer. Pour ne plus vivre, je veux vous suivre, vague d'un pas léger. Mais, prisonnière, sur cette terre, mon sort ne doit changer. Ma force baisse, mon œil s'affaisse, je succombe aux douleurs. Je puis me plaindre, mais non éteindre ma flamme dans les pleurs. Mais, sur la rive, au port j'arrive, mon âge reverdit. Sous notre étoile, un large voile toujours nous unit.